Piste 17. Exercice 6. 1. Le restaurant. Les restaurants. 2. Les théâtres. Les théâtres. 3. Les festivals. Le festival. 4. Le concert. Le concert. 5. Les musées. Le musée.